Bonsoir et merci de cette invitation. Je vais essayer d'être court parce que moi je pense que dans la période qui est la nôtre, on a intérêt à beaucoup échanger et ce d'autant qu'il y a des échéances en cours sur les évolutions du système de recherche, du système de financement bien sûr, j'en parlerai un peu, mais aussi sur, je crois, l'orientation générale des systèmes. Ou du moins de la philosophie qui sous-tend l'idée que le public, le secteur public, les gouvernements, les collectivités territoriales doivent ou pas financer de la recherche. J'essaierai de dire un mot de ce qui se passe en Angleterre actuellement, parce qu'il se passe des choses et c'est assez intéressant, sachant qu'il y a un gouvernement travailliste. Et que l'Angleterre est souvent pris comme une sorte de petit modèle européen de ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Donc on pourra discuter de ça. J'étais présenté comme chercheur en biologie, ce qui est vrai. Je suis vice-président du Conseil régional depuis 2004, en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. En 2004, c'était la fin du mouvement, du grand mouvement initié par, qui a vu la création de son la recherche, les états généraux de la recherche, etc. Je crois que c'était la fin d'une période qui s'achevait. D'une certaine manière, mon élection à la vice-présidence était une sorte d'effet indirect de ce mouvement. Pourquoi? Parce que je crois que ce mouvement s'est inscrit dans une prise de conscience d'un certain nombre de chercheuses et de chercheurs qu'il fallait peut-être arrêter de laisser à des gens qui ne connaissent pas grand-chose le soin de développer les politiques de recherche et peut-être d'enseignement supérieur, mais c'était moins au centre des préoccupations à ce moment-là. Il y a eu ce grand mouvement, sur lequel Alain reviendra peut-être un petit peu, Alain Trautmann, qui a permis énormément de débats, qui a donné l'occasion à beaucoup de chercheurs qui, en général, sont préoccupés essentiellement par leurs activités personnelles de recherche, etc., de prendre du temps et de réfléchir, ce qui n'arrive pas souvent. Et c'est bien embêtant, à mon avis. Une des questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi il y a si peu de personnes issues du monde intellectuel, de la recherche, de l'enseignement supérieur, qui entrent en politique. Il y a beaucoup de raisons pour cela. Une des raisons, c'est que la politique peut être vue comme quelque chose d'un peu vulgaire et d'un petit peu vain. D'un autre côté, moi, j'ai fait cette démarche avec l'idée qu'il ne fallait pas laisser à des gens assez ignares et très menés par des concepts idéologiques le soin de définir les politiques de recherche, forcément. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est effectivement un peu ce qui a sous-tendu la politique qu'on a mise en place au Conseil régional d'Île-de-France depuis 2004, seulement en 2010. Les politiques, ça se définit par deux choses. Une sorte d'exposé des motifs, c'est-à-dire la manière dont on conçoit ce qu'on doit faire, et deux, des financements. Financement, c'est souvent la conséquence quand même de ce qu'on souhaite faire et des moyens qu'on arrive à se donner pour faire cela. Dans le contexte français, les régions qui sont une création récente, la décentralisation datant des années 80, un début de décentralisation, puisque par rapport à d'autres pays très décentralisés, nous sommes quand même des nains de la décentralisation. Les régions n'ont pas eu beaucoup de politiques très structurées en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous sommes à nouveau d'ailleurs à un tournant de ce point de vue-là, puisque vous le savez peut-être, mais si vous ne le savez pas, je voudrais vous le dire. D'une part, l'enseignement supérieur et la recherche ne fait pas partie des compétences des régions. Compétences légales des régions obligatoires. D'autre part, les régions interviennent dans ces domaines au titre de quelque chose qui s'appelle la clause de compétence générale. Pour l'instant, les collectivités territoriales françaises sont ont le pouvoir d'intervenir dans les secteurs qu'elles souhaitent grâce à cette clause de compétence générale. C'est une possibilité qui risque de leur être supprimée ou d'être extrêmement restreinte par de nouveaux projets législatifs du gouvernement actuel qui souhaitent complètement réorganiser l'organisation des collectivités territoriales, vous en avez peut-être entendu parler, avec une prétendue simplification qui est toujours le maître mot simplification, optimisation, qui permet de changer les choses et rarement dans un sens qui nous agrée. Et donc, il est question que les régions, qui jusque-là avaient des moyens d'intervenir, soient privées de cette clause de compétence générale. Auquel cas, il y aura un dilemme pour le gouvernement actuel, à savoir, faudra-t-il donner ou pas aux régions cette compétence enseignement supérieur et recherche, sachant que, dans l'optique d'une simplification, a priori, l'idée est de ne pas donner à différents niveaux d'organisation territoriale la même compétence. Donc, il fut un temps où la compétence lycée a été transférée aux régions. Une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est, même si elle est sous-jacente, faut-il transférer, ou faut-il, ou est-il souhaitable, est-il intéressant, de transférer la compétence enseignement supérieur aux régions? À mon avis, ce n'est pas une question totalement théorique, parce que l'État, avec un petit E, petit T, l'État des universités françaises, et en particulier en Île-de-France, est souvent tellement mauvais que les sommes à investir pour les mettre au niveau international, ce qui est souvent le but annoncé, et en particulier avec le, on pourra peut-être y venir avec le fameux emprunt et les moins fameux plans campus qui ont égayé l'actualité depuis 2 ans. Tout cela montre que le nombre de milliards ou de dizaines de milliards qu'il faudrait mobiliser pour arriver à ce niveau international des universités françaises est très conséquent, et l'état de la dette publique ne favorise pas l'investissement de l'État français dans ce domaine, à mon point de vue. Donc je referme la parenthèse. Dans les limites que je vous ai dites, c'est-à-dire de régions qui décident d'intervenir dans un secteur qui n'est pas obligatoire pour elles, nous avons, en Île-de-France, décidé d'installer vraiment une politique de soutien à la recherche dont j'ai la faiblesse de penser qu'elle était relativement originale, ou assez originale. Pourquoi ? Parce qu'on a essayé de répondre à deux impératifs à la fois qui peuvent paraître opposés ou contradictoires. L'un, c'est d'essayer d'aider à la structuration d'une certaine recherche régionale. Je reviendrai à cette idée de structuration. Et deux, qui consiste à préserver l'autonomie des chercheurs avec des financements qui viendraient de la collectivité territoriale régionale. Comment est-ce qu'on a fait ça? On a défini un concept qui est ce qu'on a appelé les domaines d'intérêt majeur pour la région. Domaines de recherche d'intérêt majeur pour la région, les DIM. Pourquoi? Parce qu'il nous paraissait évident qu'avec les moyens financiers dont nous disposions, il n'était pas question d'intervenir dans tous les secteurs de la recherche. Et donc, il fallait identifier un certain nombre de domaines qui nous paraissaient prioritaires. D'où cette idée de définir des domaines d'intérêt majeurs, grandes thématiques, qui sont décidés par un vote démocratique au sein de l'Assemblée régionale, qui, au fur et à mesure des 5 années qui ont passé entre 2004 et 2008, l'Assemblée régionale qui a décidé de labelliser, donner ce label domaine d'intérêt majeur à 14 grandes thématiques. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes intervenus que sur ces grandes thématiques, mais ça veut dire que l'essentiel des moyens, en fait une grosse moitié des moyens consacrés à la recherche, était ciblé sur ces domaines d'intérêt majeur. Alors, puisque vous vous intéressez surtout aux sciences humaines et sociales ici, ce que je voudrais vous dire, c'est que sur ces 14 domaines d'intérêt majeur, d'une part, il y en a, on va dire, deux qui étaient dans le domaine des sciences humaines et sociales, mais que dans les autres qui étaient plutôt destinés aux sciences du vivant et un peu aux sciences exactes, nous avons insisté pour que les thématiques sciences humaines et sociales soient intégrées, soient partie prenante des grands axes de recherche portés dans ces domaines d'intérêt majeur. Je pourrais prendre des exemples si vous le souhaitez. L'autonomie des chercheurs. Une fois que la thématique a été définie, l'idée était de constituer, à la constitution de réseaux de recherche régionaux ou régionales, donc portés par les scientifiques. Donc en pratique, comment est-ce qu'on procède ? Ces réseaux, nous essayons de les faire travailler ensemble. Nous essayons, faisons en sorte qu'on identifie tous les gens sur la thématique, toutes les personnes importantes dans la région, tous les laboratoires importants, les porteurs de projets. On les incite donc à travailler ensemble. Et ensuite, c'est ces réseaux constitués qui présentent un programme de recherche pour l'année et puis qui sont autonomes dans les financements, sur la façon dont ils dépensent les financements que nous leur accordons, qui ne sont pas négligeables, qui sont à la fois de l'équipement, ça intéresse peu les sciences humaines et sociales, encore que j'y reviendrai, mais bon, c'est essentiellement pour les autres grandes thématiques, mais aussi du fonctionnement, et du fonctionnement, c'est essentiellement des allocations de recherche, allocations doctorales, allocations postdoctorales, organisation de colloques, déplacements, etc. Donc, la façon de dépenser cet argent, qui peut se monter à plusieurs millions d'euros par an, pour chaque grande thématique, est à la discrétion, dans certaines limites, parce qu'il y a des limites dues aux conventions qu'on va signer, mais à la discrétion des réseaux de recherche. Donc l'idée est de concilier à la fois l'autonomie et des choix politiques, parce qu'une région fait des choix politiques lorsqu'elle intervient, d'abord d'intervenir dans ces domaines, ensuite sur quel domaine elle va intervenir. Et là, je vais donner peut-être un exemple qui va intéresser les sciences humaines et sociales. Une des raisons qui m'a poussé à proposer un certain nombre de thématiques, c'était de dire, essayons de, plutôt que de concurrencer ce qu'on ne peut pas faire vu les moyens de financement qu'on a, l'État, on ne va pas faire un saupoudrage, donc essayons de cibler nos interventions sur des domaines qui sont négligés au niveau de l'État, au niveau national. Par exemple, un des accomplissements de cette mandature, ça a été d'aider la constitution d'un réseau de recherche sur une thématique qui est les relations sociales de sexe. Donc, c'est l'Institut Émilie du Châtelet qui a été créé, uniquement financé par la région Île-de-France, financé à 98% par la région Île-de-France, qui est dédié à des recherches sur les femmes, le sexe et le genre. Donc ça, c'est purement du volontarisme politique. C'est l'observation qu'en France, nous sommes très décalés par rapport à ce qui se fait au niveau international et d'essayer de rendre visible une recherche qui existe, mais qui est complètement dispersée et qui n'a pas les moyens de se développer. C'est une façon de faire. Une deuxième façon de faire, c'est de reconnaître des réseaux existants qui étaient déjà constitués et qui nous paraissaient importants de financer plus que ce que c'était jusqu'à présent. Un troisième critère que nous avons pris, ça a été de mettre le niveau des allocations de recherche à un niveau compétitif européen, que ce soit les recherches doctorales, et c'est forcément des contrats de recherche, donc des contrats de travail classiques avec un niveau de rémunération important, la prise en charge des cotisations sociales, etc. Donc de mettre ces rétributions à un niveau européen, de manière à tirer un peu vers le haut ce qui existe au niveau national et, par exemple, pour les allocations doctorales qui ont été financées par la région Île-de-France, et on n'a fait que des financements à 100%, c'était très au-dessus de ce qui était l'allocation doctorale du ministère de la Recherche en 2005, quand on a commencé. Et petit à petit, l'allocation doctorale du ministère de la Recherche a monté, mais elle est encore inférieure à ce que la région donne. Donc, vous voyez, un certain nombre de principes qu'on essaye d'impulser, tout en sachant qu'on ne peut pas, évidemment, se substituer à l'État. Un deuxième aspect sur lequel j'aurais insisté, c'est que, certes, nous pensons qu'il est absolument essentiel que les chercheurs aient une autonomie dans la définition de leurs projets, etc. D'un autre côté, nous ne souhaitons pas que les chercheurs vivent dans une tour d'ivoire, c'est de moins en moins le cas, mais ça arrive de temps en temps. Et donc, nous avons beaucoup poussé à l'ouverture du milieu de la recherche vers ce qu'on appelle la société civile, de différentes manières. Et je citerai juste un dispositif qui a été particulièrement couronné de succès et extrêmement populaire, en tout cas, qui est le dispositif dit des partenariats institutions citoyens pour la recherche et l'innovation, PICRI, qui est quelque chose qui a été créé en Île-de-France, qui n'existait pas ailleurs en France, pratiquement pas en Europe, même s'il y avait quelques embryons du côté du Canada. Donc c'est des dispositifs qui permettent de financer des recherches menées, élaborées et menées en commun par des chercheurs académiques et le milieu associatif, les milieux associatifs. Et donc, ça se passe exactement comme d'autres appels à projets, avec donc un appel annuel à projet, des jurys pour examiner les projets, un classement et des financements tout à fait classiques. La seule chose qui n'est pas classique, c'est justement d'aider à ce que constituent des alliances entre des milieux qui n'ont pas l'habitude de la démarche de recherche, mais qui veulent... qui ont des thématiques à traiter, et ça concerne assez souvent des thématiques qui ne sont pas bien traitées, évidemment, au niveau national, et par exemple, qui ne peuvent pas trouver de financement par l'ANR. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons poussé et qui a beaucoup marché. En 5 ans, on a accordé des financements à 56 projets partenariaux entre monde académique et monde associatif. Il ne suffit pas de créer des nouvelles choses, il faut avoir des financements. Donc, j'aurais dire quelque chose d'assez satisfaisant, c'est que nous avons réussi à dégager des financements croissants chaque année et croissants de manière notable. Et j'aurais dire, pour terminer et pour ne pas dépasser le temps qui m'est imparti, que nos financements sont des financements réels, ce n'est pas des annonces de capital qui seront un jour donnés à des fondations qui peut-être produiront des intérêts qui seront éventuellement utilisables dans les années suivantes. Vous avez dû déjà discuter de ces questions-là. Nous ne sommes pas dans les promesses, c'est de l'argent réel qui est accordé chaque année. Et moi, j'ai trouvé un budget recherche à 50 millions, 60 et quelques millions en 2004. Et on vient de voter le budget 2010, il est à 153 millions. C'est de l'argent réel qu'on dépense chaque année et qui permet, je crois, de démarrer des choses qui ne trouveraient pas, des projets de recherche qui ne trouveraient pas leur financement par ailleurs. La question donc qu'il faudra qu'on discute, c'est comment est-ce qu'on arrive à ne pas doublonner des choses, à faire des choix. Je ne suis pas extrêmement convaincu que nous avons les méthodes optimales pour faire ces choix. Une région ne peut pas s'appuyer sur une administration très performante dans ces domaines qui ne sont pas de ses compétences. Il y a beaucoup d'améliorations à apporter. Je ne sais pas si nous aurons l'occasion d'apporter ces améliorations, comme je le disais, en propos liminaire. J'ai d'autres interrogations. Une partie de mes interrogations, ça a été, on les a traitées en cours de route, c'est-à-dire au moment où l'ANR a commencé à prendre son envol avec des financements extraordinairement croissants chaque année et donc des CDD en nombre croissant chaque année et donc des post-docs qui sont en train d'exploser de façon quantitative et dont on ne sait pas très bien quel sera leur avenir. J'ai posé la question à notre conseil consultatif scientifique. Il ne m'a pas apporté de réponse extrêmement éclairante, à mon avis, de savoir est-ce que nous, région, nous sommes pertinents en donnant des financements supplémentaires qui permettent, certes, de recruter d'autres personnes, mais qui créent aussi un peu plus de précarité, qui ajoutent à la précarité. Un peu de précarité à beaucoup de précarité. Et donc ça, c'est une question qui est pendante. Il y en a d'autres, évidemment, sur lesquelles on reviendra peut-être dans la discussion. Je crois que je vais m'arrêter là pour ne pas abuser.